Bonjour frères et sœurs, et nous sommes encore une fois ce matin. Bon, je suis pas mal convaincu que ce matin, on va finir le chapitre 16. Et ça va être le troisième sur Jésus envoie le Consolateur. Avant de regarder ce que le Consolateur fait dans nos vies, il faut bien s'arrêter. Et je crois que Jean nous parle de ces trois chapitres-là du Consolateur, parce qu'il veut nous montrer que ceci fait de Jésus le Messie et le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en son nom, on a la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle de la Nouvelle Alliance et de la venue du Saint-Esprit, « Je vais enlever votre cœur de chair, je vais mettre un cœur de pierre, je vais mettre en vous mon esprit. » Ici, Jésus dit, « Cet esprit-là, ce consolateur-là, promis dans l'Ancien Testament, va arriver parce que moi, je pars, moi je meurs, je m'en vais auprès du Père et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc je suis le Messie. » Et tout au long de ces chapitres-là qu'on vient de voir ensemble, il parle de « Je m'en vais au Père et je suis venu du Père, je suis dans le Père est en moi, moi et le Père on vient en vous. Tout ce qui est au Père est à moi, tout ce qui est à moi est au Père. » Toutes ces choses-là font de Jésus une entité avec Dieu, une égalité avec Dieu, une même nature que Dieu. Qu'on appelle ça Trinité ou pas, ça ne change rien. C'est deux personnes qui forment un. Et ça fait Jésus une nature divine. Donc, en regardant ce que le Consolateur fait, ça confirme qu'il est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, on a la vie éternelle. Pour qu'il puisse nous diriger cet esprit de vérité-là, nous allons prier. Notre Père du ciel, merci, merci que tu nous as choisis, merci comme on a vu que tu as fait de nous tes amis. Nous sommes plus de ce monde, comme tu n'es plus de ce monde. Nous vivons dans le monde, et comme tu as vécu dans le monde, et tu as vécu dans le monde par la puissance de l'Esprit, et nous vivons dans le monde aussi par la puissance de l'Esprit, ce Consolateur, cet Avocat qui vit dans chacun de tes enfants. Dirige-nous par lui ce matin, que lui puisse nous aider à comprendre ce que tu as dit à tes disciples pendant cette nuit qui précédait ta mort. Conduis-nous parce que nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Qu'avons-nous vu jusqu'à date sur la venue du Consolateur? Premièrement, on a vu qu'il rendait témoignage. Il dit, il rendra témoignage de moi. À qui? À nous. Il va rendre témoignage aux disciples, à qui il s'adresse. Il dit, il va rendre témoignage de moi et vous allez comprendre qui je suis. Vous allez saisir que je suis le Messie, le Fils de Dieu, égal à Dieu. Vous allez saisir que tout dépend de moi et le plan que j'ai pour moi et pour vous, autant dans le temps présent que dans le temps à venir. Et il va rendre aussi témoignage de moi à travers vous. On voit ça dans toutes les actes des apôtres. C'est l'Esprit qui utilise les hommes pour rendre témoignage de Jésus. On a vu ensuite qu'il est un aide-mémoire pour les disciples, afin qu'ils se souviennent de ce que Jésus avait dit pendant 3 ans. Premièrement, ils vont l'écrire. Ils vont le prêcher, ils vont l'écrire. Comme nous, le Saint-Esprit va nous aider à se rappeler, à utiliser ce qu'on a appris. Le Saint-Esprit ne peut pas nous aider à utiliser ce qu'on n'a pas appris, ce qu'on ne sait pas. On a vu, troisièmement, qu'il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Il l'a fait avec nous. Maintenant, il va nous utiliser, nous, pour convaincre, parce qu'on va proclamer les vérités, il va nous utiliser pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Ensuite, on l'a vu, il va annoncer les choses à venir, les choses que je ne peux pas vous dire maintenant, parce que vous ne pouvez pas les supporter. Mais il va venir, et là, lui, il va vous les révéler, et lui, il va vous les aider à les comprendre, à les mettre ensemble, il va vous aider à monter le casse-tête, pour que vous compreniez comment moi, avec la Nouvelle Alliance, je fit avec l'Ancienne Alliance. C'est pour ça que vous allez voir dans les Actes des Apôtres, et dans les Épîtres, et dans l'Apocalypse, des centaines, je dirais même des milliers de liens avec l'Ancien Testament. Il va les aider à mettre ça ensemble. Et on a terminé hier avec « Il changera votre tristesse en joie. On ne fait attention. Il ne parle pas de tristesse humaine, ni de joie humaine et terrestre. Il ne parle pas de cette tristesse qui vient quand je perds un enfant, ni de cette joie qui vient d'avoir un enfant. Mais il parle de la tristesse que les disciples ont ici. Tristesse parce que Jésus s'en va, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il doit mourir et ressusciter le troisième jour. Il dit, quand l'Esprit va venir, il va transformer cette tristesse en joie. Ça ne veut pas dire que les disciples sont plus tristes, ça ne veut pas dire que les enfants de Dieu ne sont jamais tristes. Non, ce n'est pas vrai. Quand les choses difficiles de la vie arrivent, on pleure niche, on se lamente, on va des fois même en dépression, parce que la tristesse nous accable. Je ne dis pas que Jésus ne peut pas nous aider dans ces moments-là. Je dis simplement, c'est de ça qu'on parle ici. Il ne faut pas l'appliquer à toutes les sauces, cette vérité. La vérité qui parle ici, c'est cette tristesse qui est causée à cause du péché de l'être humain. Et ce matin, nous allons continuer ensemble à partir du verset, chapitre 16, verset 23. Et nous allons lire ça jusqu'au verset 33. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies plus aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure, viens. Elle est déjà venue. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La sixième chose qu'il va faire, c'est qu'il leur dit, quand le Consolateur va venir, vous allez demander des choses à mon Père en mon nom, et il vous le donnera. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une chose est certaine, c'est que c'est en ce jour-là, le même jour qu'on parle depuis quelque temps, ce jour de la Pentecôte, ce jour où le Consolateur va venir en eux. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez jamais rien demandé en mon nom. Mais, le jour que le Consolateur va venir, vous allez demander en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en mon nom? Je vous encourage à prendre l'évangile de Jean, si vous voulez, prendre une concordance, chercher en son nom ou en mon nom, avec expression, et regardez qu'est-ce que ça veut dire. Je ne crois pas que Jésus est en train de nous dire ici qu'à chaque fin de prière, il faut maintenant dire en mon nom ou en son nom, ou au nom du Seigneur, ou au nom de celui qui nous a sauvés. On a notre petite façon de le dire. Je ne crois pas que c'est mal de dire. Mais je crois que des fois, ça n'a pas de sens, ce qu'on dit. Et des fois, je crois qu'on ne devrait pas le dire au bout de nos prières, parce que nos prières ne sont peut-être pas correctes. Mais il dit ceci, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Le jour que le Consolateur va venir, vous allez, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, ce que vous allez demander au Père, il va vous le donner à cause de Jésus. À cause de ce que Jésus a fait. À cause de ce que Jésus a accompli. Comme si on dit, si nous croyons en son nom, il nous sauve. Ça veut dire quoi? Si nous croyons en ce qu'il est, en ce qu'il a fait, il nous sauve. S'il dit qu'il va nous le donner en son nom, à cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il a fait, le Père va nous donner ce qu'on demande. Mais au verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Fait qu'il va pas juste, il va pas juste nous le donner, le Père va pas juste nous le donner en son nom, mais nous, il faut demander en son nom. Mais il dit, vous demanderez en mon nom. C'est pas comme, c'est pas s'il y avait quelque chose à gagner, là. Mais quand le Consolateur va venir, on va demander en son nom. Parce que le Consolateur va changer quelque chose en nous. Il va faire un miracle en nous. Il va nous donner une nature éternelle. Il va nous donner la vie éternelle. Il va nous donner la vie, et la vie c'est Jésus. Il va nous donner un peu de Jésus, si je pourrais dire. Il va nous transformer un peu à l'image de Jésus. Donc on va penser un peu comme lui. On va réfléchir un peu comme lui. Finalement, un jour, on va être totalement comme lui. Mais quand il vient habiter le Consolateur en nous, il va faire ce miracle en nous, et on va demander, en nom de Jésus, en accord avec ce qu'il est, et en accord avec ce qu'il a fait, et en accord avec ce qu'il est en train de faire, et en accord avec ce qu'il va faire. Si je vais vous voir, vous, au nom de quelqu'un d'autre, moi, ça n'a pas d'importance. Je viens de la part de quelqu'un. Quand Jésus a dit, je vous parle au nom du Père, il dit, si vous rejetez ce que je vous dis, vous rejetez le Père. Nous, quand on demande au nom de Jésus, on demande en accord avec la personne de Jésus, en accord avec le plan de Jésus, présent, futur, passé, présent et futur. De quoi je crois que des fois, je pense que, à cause qu'il a dit demander ce que vous voulez, on se lance et on demande n'importe quoi. On prie pour nos chiens qui sont malades, on prie pour nos vaches qui ne donnent pas de lait, on prie pour n'importe quelle affaire parce qu'il a dit demander tout ce que vous voulez. En tout cas, je vois pas aucun apôtre dans le Nouveau Testament, aucun chrétien dans le Nouveau Testament qui prie pour des choses semblables. Mais restons dans notre contexte. Il dit, demandez en mon nom et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Selon ma compréhension, demandez au nom de Jésus. Je dis ça comme cela. C'est comme si c'est Jésus qui le demandait. Qu'est-ce que Jésus demanderait, lui, s'il était ici? Qu'est-ce qu'il demanderait, lui, dans la situation? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus, présentement? Il est en train de bâtir son Église. Ce que nous demandons va refléter Jésus qui est en train de bâtir son Église. Attention, il n'est pas en train de bâtir une bâtisse. Il bâtit son Église, c'est-à-dire qu'il est en train de sauver un groupe de personnes afin qu'il puisse servir Dieu, son Père, et le glorifier pour l'éternité. Donc, ce que nous demandons, nous, doit refléter ça. Et qu'est-ce qu'il va faire dans l'avenir? Il va aussi détruire le monde dans lequel nous vivons et en bâtir un nouveau. Et nous prendre avec lui. C'est ça son plan, c'est ça qu'il est en train de faire. Notre vie de prière devrait refléter ça. Ce qu'on demande au nom de Jésus est l'équivalent pour moi que dans 1 Jean. Ce matin, j'écoutais Don Carson qui parlait dans 1 Jean, demander selon sa volonté. Mais il dit bien des fois, on ne connaît pas la volonté. Donc, si on veut prier sa volonté, il faut essayer de savoir quelle est la volonté de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire afin que nos prières reflètent la volonté de Jésus, le nom de Jésus? Si vous voulez en savoir un peu plus long là-dessus, écoutez la série que j'ai faite sur comment prier. Allez dans le site web, sur le lien étude thématique. Il dit « Votre joie soit parfaite. » Oh, qu'est-ce que c'est? Il dit « Demandez, vous recevrez, votre joie soit parfaite. » Je vous garantis que j'ai connu bien les chrétiens et je n'ai pas besoin de regarder des autres chrétiens, j'ai qu'à me regarder dans le miroir. Combien de fois j'ai prié et ma joie était plutôt de la tristesse parce que ça n'arrivait pas, je demandais, ça ne marchait pas. Mais si vous demandez au nom de Jésus, vous allez recevoir et votre joie soit parfaite. Et qu'est-ce qui va causer cette joie-là? C'est parce que la prière va exalter Dieu, va glorifier Jésus. Et ça va faire, votre joie va être parfaite. Et cette joie-là vient du Saint-Esprit, du Consolateur, qui vous emmène à prier au nom de Jésus pour la gloire de Dieu, et ça va faire votre joie, et votre joie va être parfaite. Il dit au verset 25, « Je vous ai dit ces choses en parabole, mais l'heure vient, je ne parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. » Il dit, le jour vient. Maintenant, l'Esprit, quand l'Esprit consolateur va venir, les choses vont devenir claires. Je n'utiliserai plus les paraboles. Le Saint-Esprit va vous expliquer, va vous faire comprendre. Il va vous dire des choses que maintenant, je suis obligé d'utiliser les paraboles, mais dans le temps qui va venir, l'Esprit de Dieu va vous expliquer. Il dit, au verset 26, en ce jour-là, vous demanderez à mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Parce qu'à ce jour-là, le Père va habiter en vous, Jésus va habiter en vous, le Saint-Esprit va habiter en vous. Il dit, pourquoi je ne prierai pas le Père pour vous? Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous avez cru, je suis sorti de lui. À ce moment-là, vous allez parler directement au Père, vous allez avoir accès directement au trône de Dieu. Jésus ne prie pas pour nous. Il dit, allez prier vous-même, le Père, parce que le Consolateur va être en vous. Et vous m'avez aimé, vous avez cru que j'ai sorti du Père, et vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Ils allaient avoir accès au trône de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et les disciples ont dit, ah oui, maintenant on croit maintenant que tu es sorti de Dieu, et maintenant nous comprenons et on croit toutes choses. Jésus dit au verset 31, vous croyez maintenant? Non, vous ne croyez pas comme vous devriez croire encore. Il dit, ce ne sera pas bien ben long, vous allez tous m'abandonner. Vous allez tous me rejeter, vous allez vous en aller, vous allez me laisser tomber. Tout le monde. Il dit, quand le Consolateur va venir, il va vous donner la paix. Il va vous donner la paix en moi. Il va vous rappeler toutes choses. Et vous allez avoir des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde ici, c'est le monde, c'est pas les êtres humains. Le monde ici est plutôt l'expression du mal, de ce qui est contre Dieu. J'ai vaincu le monde. Vous allez avoir des tribulations dans le monde, mais l'Esprit de consolation va vous donner la paix à travers ça. Il dit qu'il va nous donner la paix en lui, par le Consolateur, qui va nous aider à comprendre les choses qu'il a dites. Au verset 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Donc, quand les tribulations vont venir de la part du monde, vous allez être capable de garder la paix en vous. Vous allez pouvoir surmonter ça et rester attaché à moi. Et glorifier Dieu dans ces moments-là quand même. Donc le Consolateur a un rôle bien précis. Il est premièrement là pour nous aider à comprendre qui est le Fils, à comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir, à comprendre ce qu'il est en train de faire. Il va nous aider, le Consolateur, à demander au nom du Fils, parce que nous sommes son corps présentement sur la terre. Nous sommes son corps, il est notre tête, et nous sommes son corps. Nous adressons à Dieu des prières qui reflètent son nom. Il va nous donner la paix pour persister même parmi les tribulations. Il va nous aider à comprendre le rôle du Consolateur. Il y en a un qui avait dit le Saint-Esprit ou le Consolateur, c'est comme une lumière. Et la lumière éclaire une statue. Qu'allez-vous regarder, la lumière ou la statue? On regarde la statue, bien entendu. Et le Saint-Esprit a juste un rôle. Et le chapitre 16 nous dit que le rôle du Saint-Esprit, c'est bien de nous faire regarder Jésus et qu'on croit qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, on ait la vie éternelle. Notre Père du ciel, merci de nous avoir donné ce Consolateur. Sans lui, on ne pourrait pas comprendre. Sans lui, on serait complètement perdu, capable de rien faire. Sans lui, on serait pas capable de continuer à travers les tribulations, les persécutions. Nous continuons à travers les persécutions, nous avons persisté, non pas parce qu'on est des bons chrétiens, mais parce que l'Esprit Saint qui est en nous est un grand consolateur, un grand avocat, et il nous donne la capacité de continuer. Continue, Esprit de Dieu, à nous conduire dans toute la vérité. Amen.